Que je partage ce soir, c'est la foi de vivre les yeux qui ouvrent les yeux des aveugles, les yeux qui accomplissent des prodiges et des prodiges. Ne quitte pas ces lieux avec les mêmes problèmes. Le temps est arrivé de témoigner Dieu, de célébrer Dieu, pas rester toujours dans la souffrance, dans des plaies. Le temps est arrivé que nous puissions nous réjouir de la bénédiction de l'Éternel, de la joie de l'Éternel. Il y a une histoire que tu dois écrire, que vous devez écrire avec votre Dieu. Le parcours est encore là. Oh, j'aime bien le dire, je ne mourrai pas, je vivrai pour accomplir les œuvres de l'Éternel qui fera dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois avec ses acclamations? Non, je disais, est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois avec ses acclamations? C'est lui qui a mis les os dans vos corps. C'est lui qui vous a donné les mains pour que vous puissiez les célébrer. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dites-lui que le Seigneur vous bénisse. Alors toujours dans cette atmosphère, nous voulons maintenant louer le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alors dans cette atmosphère, nous voulons louer l'Éternel ensemble avec la chorale. Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie pour Jésus? Je ne te vois pas. Qui est ce Gédéon ce soir? Qui est ce Gédéon qui peut s'élever et louer l'Éternel ensemble avec nous? Est-ce qu'on peut encore exagérer avec les Milolo? De ce côté-ci, est-ce qu'on peut balancer nos mains? Balançons nos mains, balançons nos mains. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce soir? Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame. Si les oiseaux n'arrivent plus à chanter ta louange, que son oiseau s'élèveront vers toi. Si les oiseaux n'arrivent plus à chanter ta louange, que son oiseau s'élèveront vers toi. jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses dureraient longtemps, comme l'azora au soir du printemps, quand toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je rejouerai, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Si ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Mama, yeah. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ce soir qui peut balancer les mains, pousser les cris de joie pour Jésus? J'ai pensé que c'était les instruments, mais c'était les acclamations qui étaient faibles. Est-ce que quelqu'un peut exagérer un peu? Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le micro, mais je ne sens pas au moins les acclamations de ce côté ici. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel avec ses mains, avec sa voix? Non, j'ai parlé de Jésus. Je ne parlais pas d'un homme, j'ai parlé de Jésus. Je ne parlais pas d'un fils et de l'homme, mais j'ai parlé de Jésus. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Mais je sens que quelqu'un a besoin de louer toujours Dieu. Est-ce que nous pouvons faire une louange encore pendant juste 5 à 7 minutes, que nous puissions louer l'Éternel? Je sens que quelqu'un ce soir a besoin de louer l'Éternel. Est-ce que quelqu'un qui croit qu'il a besoin de louer l'Éternel peut balancer sa main? Ce que j'aime dans la présence de Dieu, si les voisins refusent de louer, mais il y a toujours un voisin qui s'élève pour louer l'Éternel. Même quand on dit bénis ton voisin, c'est lui qui ne répond pas, mais il y a toujours un voisin, lui qui répond. Même quand on dit acclamant pour le roi des rois, il y a ceux-là qui refusent, mais j'aime bien ces voisins-là. Lui ne manque jamais pour acclamer l'Éternel. Alors ces voisins-là, il va s'élever pour louer l'Éternel pendant quelques minutes seulement. Alléluia! Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? S'il y a quelqu'un qui n'est pas fatigué, est-ce qu'il peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, est-ce qu'il peut pousser des cris de joie? Il est Dieu de miracles. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu de miracles, mon Dieu. Il est Dieu de miracles. Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele, Michele. Dieu de miracles, mon Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges, mon Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles, mon Dieu. Il est le Dieu de miracles. Oui, il sauva. Il sauva Daniel. Et de la fosse au lion. Jonas. Il sauva Jonas. Et des poissons gelés. Pense à mon Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles, mon Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il sauvera. Il sauvera Daniel. Et de la fosse au lion. Il sauvera Jonas. Et du poisson géant. Mon Jésus. Il ressuscita. Et de la mort. Il est le Dieu. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, je chanterai de tout cœur Jésus le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres, Jésus il m'a délivré de tout. Oh, moi je chanterai. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tout ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a tout. Mon papa, mon papa. Attendez à des tonnes et des tonnes d'acclamations. Ah. Alors l'Éternel est bon, non pas seulement pour moi, il est bon aussi pour vous. Je disais à les personnes que l'Éternel est bon pour vous. Il est bon pour vos enfants. Il restera toujours bon pour votre famille. Mais ce qui m'étonne, c'est la façon d'acclamer celui qui est bon pour nous. Alléluia. Alors, dans une minute seulement, quelqu'un va parler juste à Dieu. Nous sommes dans les psaumes, chapitre 20, verset 8. David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance ce soir. Je m'appuie sur toi. Je ne m'appuie pas sur la connaissance, mais sur toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Seigneur, de côté la connaissance, ce que les autres nous ont raconté, mais nous nous appuyons sur toi ce soir. Te faisons totalement confiance. Toi qui n'échoues jamais, totalement confiance. Toi qui arrêtes l'hémorragie, totalement confiance. Toi, tu as une histoire avec nous ce soir. Totalement confiance. Même dans le feu, te faisons totalement confiance. Même dans la fosse au lion, totalement confiance. Même dans la barque instable, totalement confiance. Même dans la tombe, 4 jours, totalement confiance. Totalement confiance. Mélodie venue du ciel, un chant doux et y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Si tu aimes le patron des roues, il a repris vie. Ce soir, il y a la vie. Je suis au milieu de toi. Même si tu connaissais la mort. Sois l'honneur, Seigneur, ce soir, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Pendant que nous sommes debout, j'invite l'apôtre. Pendant qu'il passe au micro, nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Comme tu l'as dit, que Dieu vous bénisse. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois de plus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Donner à Jésus une offrande d'acclamation. Si Joseph était à ta place, il allait acclamer celui qui sort de la prison. Si Anne était à ta place, elle allait acclamer celui qui donne Samuel. Si Josué était à ta place, il allait acclamer celui qui écrase la muraille. Si Jacob était à ta place, il allait acclamer celui qui change d'identité. Si Jésus était à ta place, il allait acclamer celui qui donne la victoire à Golgotha. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, mais j'aimerais que tu lui donnes une offrande d'acclamation accompagné de paroles d'adoration, parce qu'il a beaucoup fait, il va beaucoup faire, il fera encore. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, donne à Jésus. Alléluia. Non, fais le bien, fais le bien. Est-ce que le ciel peut s'ouvrir par tes acclamations? Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Ce mois de décembre. Ce mois de décembre. C'est un mois béni. C'est un mois béni. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Ce mois de décembre. Ce mois de décembre. C'est un mois prospère. C'est un mois prospère. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. L'Éternel me bénit. L'Éternel me bénit. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Dieu me donne la victoire. Dieu me donne la victoire. Toi, esprit de sécheresse. Toi, esprit de sécheresse. Toi, esprit de manque. Toi, esprit de manque. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Tu libères ma destinée. Tu libères ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Décembre, tu es béni. Décembre, tu es béni. Quel l'autel de la famille. Les autels de la famille. Sois délogé. Soit délogé. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Toi, esprit des morts. Toi, esprit des morts. Je t'éloigne dans ce mois. Je t'éloigne dans ce mois. Je prophétise. Je prophétise. J'entre dans la gloire en 2026. J'entre dans la gloire en 2026. J'entre dans la gloire en 2026. J'entre dans la gloire en 2026. Commence à frapper les mains à déclarer sur ce mois. Alléluia. Rabba sata la baya. Alléluia. Rabba la la basane. Alléluia. Lofai de blasa rabba la baya. Alléluia. Malala baba baba baba sata. Alléluia. Déclare, déclare, déclare. Tambasa, tambasa. Déclare et prophétise. Tambasa la utabiri. Prends possession de décembre. Que le ciel de décembre puisse s'ouvrir. Malé de Bahasia Talabaya. Menele Asa Talabaya da la Babo 7. L'église est en prière. Arababa Babo Sandala Baba Baba Baba. Elias Sode Paradalabaya. Je déclare et je décrète. Décembre est un mois de grande bénédiction. En ce mois de décembre, l'Éternel te visite et te bénit. Que tous les problèmes d'argent se dissipent dans ta vie. Et que Dieu te donne une grande liberté. Que ce mois soit pour toi un mois de grande consolation. Que Dieu se souvienne pleinement de toi et de ta maison. Que le Seigneur te donne infiniment au-delà de tes attentes. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je disais que l'Éternel te donne un puissant témoignage. Que l'Éternel te donne un témoignage de victoire. Que l'Éternel te donne un témoignage de gloire. Au nom de Jésus. Parle à Dieu pendant 30 secondes. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Arabasata rabada dabaya. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous faire du bien encore ce soir. Que ta parole brise les jougs. Et qu'elle nous apporte une grande transformation. Dans le nom de Jésus. Que ton esprit puisse mouvoir ici. Afin qu'une vie soit édifiée. Afin qu'une vie soit transformée. Afin qu'une vie soit impactée. Dans le nom de Jésus. Merci de glorifier Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. La Bible déclare. Alors que Pierre parlait chez Corneille, l'esprit était descendu. De tout mon cœur je prie. Que l'esprit descende. Que le feu descende. Et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. Amina. Acclame Jésus. Aide-moi à saluer 5 personnes. Déplace-toi et salue 5 personnes. Nous sommes dans la maison de Dieu. Ne sois pas trop fermé. Salut 5 personnes. Si tu ne connais pas le prénom, tu peux demander le prénom. Ne demande juste pas le numéro. Alléluia. Amen. Il y a toujours des frères dangereux comme ça. Quand on lui dit salut 5 personnes, lui commence à demander les numéros. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Quelqu'un est content d'être là ce soir? Je disais, quelqu'un est content d'être là ce soir? Quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? David pouvait dire, je suis dans la joie. Pas lorsqu'on me dit, allons au travail. Pas lorsqu'on me dit, allons au marché. Mais lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que mieux vaut un jour dans sa présence que mille ailleurs. Parce qu'un jour dans sa présence peut te donner au-delà de 1000 jours en dehors de sa présence. Et je prie que Dieu te bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ce deuxième jour où sa grâce nous porte. C'était un grand plaisir et un privilège d'être devant vous pour parler de la part de Dieu. Les mots ne seront pas suffisants. pour bénir le Seigneur pour les parents de la maison, pour leur cœur extraordinaire, leur amour et leur adoption à juste valeur. J'aimerais leur dire merci. Je parle ici du bishop Désiré ainsi que de maman Elvie. Est-ce qu'on peut m'aider à les honorer en se tenant debout et en donnant à Dieu une offrande d'acclamation? C'est une manière pour nous de leur dire merci. C'est aussi une manière pour nous de bénir le Seigneur. Si tu es encore assis, ça dérange mon onction. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es et donner à Dieu une grande offrande pour les dons qu'ils sont pour nous, pour les cœurs qu'ils ont, pour les personnes formidables qu'ils sont, pour les modèles qui sont pour nous? Si tu exagères, tu ne pèches pas. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Merci beaucoup, Bishop. Alléluia. Alléluia. Aide-moi aussi à bénir Dieu pour ma femme qui m'a autorisé d'être là. Maman Ruth, là où elle est, que Dieu se souvienne d'elle. Si ma femme avait refusé, je n'allais pas venir. Donne-moi un bon amen. Si elle avait dit ne va pas à Likasi, crois-moi sincèrement, je n'allais pas venir. Parce qu'elle, c'est moi. Moi, c'est elle. Son nom, c'est mon nom. Et son oui, c'est aussi mon oui. Donc si je suis venu ici, c'est parce qu'elle m'a dit tu peux y aller. Certainement, elle est en train de nous suivre en ligne. Et là où elle est, qu'elle sache que je l'aime beaucoup et qu'elle me manque beaucoup. Tu es jaloux d'acclamer Jésus? C'est une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Le bishop l'a présenté hier. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de mes enfants, de mon équipe. Et le ministre David qui est avec nous, on bénit le Seigneur pour lui. Il y a le pasteur Christophe Kalenga. Je ne savais pas que lui, Alikasi, était plus connu que moi. Et c'est une grande bénédiction. Certainement demain ou après-demain, avant de prêcher, il va nous bénir. Acclame Jésus. Nous sommes dans ce grand thème. Va avec cette force que tu as. Et hier, nous avons introduit la pensée de Dieu pour cette semaine en expliquant une vérité fondamentale qui était une base qui allait nous amener à décoller. J'ai expliqué hier que lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans une nation, dans une famille ou dans une église, Dieu ne passe pas par des esprits. Dieu passe par des humains. Et le choix de Dieu est basé sur les principes de Dieu ou sur les lois de Dieu. Et l'apôtre Paul, en parlant aux Juifs de Rome, il révèle un principe fondamental, le principe de premier-né ou des prémices. Il dit si les prémices sont saintes ou mises à part, les restes les seront temps aussi. Et j'ai conclu en disant ceci. Très souvent, Dieu passe par une personne afin de pouvoir sauver une multitude. Gédéon était un premier-né de Dieu afin de pouvoir sauver Israël. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, comme un seul homme, tu battras Madian. Il était déjà seul. Mais Dieu était en train de lui dire, tu représentes tout un peuple et tu vas battre Madian. Et nous avons passé un temps de prière. Et ce soir, je veux continuer dans la même pensée avec un autre sous-thème, tout en restant sur la même pensée. Ne va avec la force que tu as. Et les sous-thèmes que je nous propose, c'est réveille la force enfouie. Ou encore réveille la force cachée. Le texte de base, nous le connaissons déjà. C'est l'ange qui parle à Gédéon. Va avec la force que tu as. Avant de comprendre la force enfouie de Gédéon, il essayait de rappeler les contextes spirituels dans lesquels il apparaît. Israël était en train de traverser l'une des pires saisons de son histoire. Israël est cette année d'oppression sous Madian, des récoltes qui sont détruites, des familles qui sont cachées dans les cavernes, un peuple qui vit constamment dans l'humiliation, un peuple qui n'a pas de direction. Israël avait connu la puissance de Dieu avec Moïse et avec Josué, mais à l'époque de Gédéon, tout semblait silencieux. Le pays était très dominé. L'autel de l'Éternel était oublié. L'autel de Baal était érigé, pas seulement dans les temples, même dans les familles. Au cœur des maisons, il y avait un chaos total. Le peuple était dans une atmosphère de ruine et de sécheresse spirituelle. Et c'est dans ce chaos que Dieu a décidé de parler. Je suis en train de faire ma première déclaration de ce soir. Que Dieu te parle dans les chaos. Que Dieu te parle dans les silences. Si tu passes par un temps de grand silence, par un temps d'oppression et de difficultés, j'invoque la voix de Dieu pour toi. Que Dieu descende et qu'il te parle. Mais lorsque la voix de Dieu descend parmi son peuple, la voix de Dieu ne va pas parler à un roi. La voix de Dieu ne va pas parler à un prêtre. La voix de Dieu ne va pas parler à un guerrier. Mais la voix de Dieu va parler à un homme ordinaire. La voix de Dieu va parler à un homme fragile. La voix de Dieu va parler à un homme convaincu de sa petitesse. Je suis en train de te dire ce soir que la voix de Dieu n'a pas besoin de ta position. Quelle que soit ta position, la voix de Dieu te localisera. C'est précisément dans ces décors d'effondrement, d'idolâtrie familiale, de confusion identitaire, que la voix de Dieu vient nous révéler un principe fondamental. Lorsque la voix de Dieu est venue parler, elle vient révéler un principe très fondamental. C'est que la force d'un homme n'apparaît pas toujours au sommet de sa force. La force d'un homme n'apparaît pas toujours dans les bons moments. La force d'un homme n'apparaît pas toujours lorsque tout va bien. Il arrive parfois que la force d'un homme se révèle dans un temps de crise. C'est dans ce moment précis que la parole de Dieu se libère. Une parole qui résonne encore aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Et c'est là que mon sous-thème commence. Réveille la force enfouie. Il existe dans chaque homme une force qui se manifeste que lorsque on est dans une crise. Il existe dans chaque homme une force qui se manifeste lorsqu'il y a une instruction divine. Il existe dans chaque homme une force qui se manifeste lorsqu'il y a un appel de Dieu. Le maximum de ta force, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Il y a des saisons de faiblesse qui cachent aussi ta force. Gédéon n'a pas découvert sa force dans un moment de gloire, mais dans un temps d'oppression. Moïse n'a pas découvert sa voix lorsqu'il était au palais, mais quand il était au désert. David n'a pas découvert son onction devant un grand public, mais lorsqu'il était dans la brousse. Samson n'a pas découvert sa force lorsque tout va bien, mais lorsqu'il était entouré dans ses, devant ses ennemis. C'est l'ange parle à Gédéon pour dire à Gédéon: va avec la force que tu as. En disant cela à Gédéon, il voulait autrement dire à Gédéon: ne crée pas une force nouvelle. La force existe déjà, mais elle est encore cachée. La force existe déjà, elle est encore enfouie. Il y a des forces enfouies dans nos vies, des capacités enterrées, des mandats qui dorment, des dimensions jamais expérimentées. Et tant que tu n'es pas confronté, tant qu'il n'y a pas un challenge, tant qu'il n'y a pas une situation complexe, cette force restera enfouie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir: parfois bénis Dieu quand les choses semblent compliquées. Parfois loue le Seigneur quand les choses semblent difficiles, parce qu'il se peut que dans ces difficultés, une force enfouie se prépare à l'exposition. Tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un amen puissant. Alléluia. Alléluia. Va avec la force que tu as. Une question se pose: si cette force existe, pourquoi n'est-elle pas manifeste? Si cette force existe, pourquoi autant de souffrances? Si cette force existe réellement, pourquoi nous n'avançons pas? Si cette force existe réellement, pourquoi cette force n'est pas manifestée aux yeux des hommes? Parce que la force de Gédéon, comme celle de beaucoup d'entre nous, était enfouie dans plusieurs couches. Était enfouie dans plusieurs couches que je veux nous révéler et nous allons entrer dans un temps de prière. Pourquoi la force ne se manifeste pas? Parce que la première couche où s'était enfouie cette force, c'est ce qu'on appelle la couche de la peur. Lorsque vous lisez le récit de cette histoire, dans le verset 11, la Bible commence par dire: Gédéon battait les blés dans un pressoir à vin. Le pressoir à vin, c'est aussi une cave à vin. C'était un endroit caché. C'était un endroit fermé. Alors que dans la culture juive, on ne bat jamais les blés dans un endroit fermé. On battait les blés dans un endroit ouvert. Mais Gédéon était parti se cacher. Parce que je suis sûr pour Gédéon, le pressoir de vin, c'était un endroit de refuge, c'était un endroit de fuite. Pour Gédéon, le pressoir de vin, c'était un arrêt terminal de sa vie. Pour Gédéon, le pressoir de vin, c'était un endroit de plaintes et de pleurs. Un peu comme David à Adoulam. Dans le psaume 57, il est en train de dire: mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu des hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. La langue, une glaive tranchante. Le pressoir de vin, c'était un endroit de pleurs et de lamentations. Le pressoir de vin, c'était un endroit où Gédéon était au plus bas de sa spiritualité. Je suis plus que convaincu ce soir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans des lieux semblables à ces pressoirs de vin, qui sont dans des circonstances similaires à Gédéon, qui vivent ce que le pressoir de vin représente pour Gédéon. Une autre particularité de ces pressoirs de vin, c'était un endroit de supplication, un endroit d'incompréhension pour Gédéon, au point de dire, de se questionner si Dieu était encore là. Un tout petit peu comme quelqu'un ce soir, où chaque jour ne fait que remonter la faiblesse qu'il voit en lui-même. Quand on parle de la force que tu as, il ne se sent pas concerné. Où chaque jour il y a des révélations sur la force qui anime ses ennemis. Dans le pressoir de vin, il n'y avait aucune chaîne physique, mais il y avait des chaînes émotionnelles, il y avait des chaînes spirituelles, il y avait des chaînes morales qui rendaient Gédéon captif. Il y a des moments comme ça, chers frères et sœurs, où même si nous sommes sous la lignée d'Abraham, que nous nous sentons faibles, même si nous sommes des fils de la promesse, que nous nous sentons captifs et incapables, que nous nous sentons prisonniers des barrières invisibles. C'était le cas pour Gédéon. Vous remarquerez la vue de Gédéon par rapport à ce pressoir de vin était contraire à la vue de Dieu par rapport à cet endroit. Là où Gédéon était en train de voir la fin de sa vie, Dieu était en train de voir le début de son mandat. Là où Gédéon était en train de voir le terminus de sa vie, Dieu était en train de voir le début de toutes choses. Si j'étais à côté de Gédéon, je leur ai dit à Gédéon: n'abandonne pas. J'aurais dit à Gédéon: ne te lamente pas. J'aurais dit à Gédéon: n'aie pas peur. C'est le parcours des rois, c'est le parcours des appelés de Dieu. Le pressoir à vin n'est pas la fin de ta vie. Le pressoir à vin, c'est un lieu. Si j'étais à côté de Gédéon, j'allais dire à Gédéon: n'oublie pas. Que veut dire Gédéon? En hébreu, Gédéon veut dire celui qui coupe ou celui qui fait tomber. Aussi longtemps que tu n'as pas encore coupé, aussi longtemps que tu n'as pas encore fait tomber, rien n'est encore fini. Il y a quelque chose en toi dans ce pressoir de vin. Mais ton problème, c'est que tu as encore peur. La peur n'est pas un sentiment, la peur est un esprit qui vient faire taire les rois de Dieu. La peur est un esprit qui cherche à écouter les mandats. La peur est un esprit qui crée en toi une image déformée de la réalité. La peur est un esprit qui te fait comprendre que ce que tu es est petit. La peur est un esprit qui te fait comprendre que ce que l'ennemi est grand. La peur est un esprit qui amène à réalité de Dieu floue dans ta vie. Mais le Dieu ne parlera jamais par rapport à tes émotions. Le ciel parlera par rapport à ton essence. C'est pourquoi pendant que Gédéon avait peur, Dieu l'appelle vaillant héros. Parce que la voix de Dieu n'est pas liée à ta peur, mais c'est lié par rapport à ce que tu es. Ce que Gédéon cache par peur, Dieu le révèle par sa parole. Je viens déclarer ce soir que toute peur qui cache ta force, que Dieu le brise maintenant. Je décrète et je déclare, tu ne battras plus les blés dans un pressoir. Tu sortiras de la cachette pour entrer dans ton mandat. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Tu ne vas pas battre les blés dans un lieu caché. Tu vas sortir et exposer ton mandat. Que l'esprit de timidité quitte ta vie. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Je viens dire à quelqu'un que la peur libère ta vie. Que la couche de la peur libère ta vie. N'aille pas peur de cette N'aie pas peur de ce par quoi tu passes. N'est-il pas écrit que les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables? À la gloire à venir. Les épreuves du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Que la peur ne te fasse pas trembler. Que la peur ne te fasse pas suicider. Que la peur ne t'amène pas à l'abandon. Il y a des choses en toi qui doivent être exposées au monde. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Amen. Et la deuxième couche qui avait enfoui la force de Gédéon, c'était la couche de l'identité brisée. Lorsque lui-même il parle de lui, il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. En hébreu, le plus petit revient à un mot qu'on appelle Katan. Ne veut pas dire plus petit par rapport à au droit d'aînesse. Qu'attend venir plus petit par rapport au poids? Qu'attend venir petit par rapport aux capacités? Lorsque Gédéon parle de lui, il a une identité biaisée de lui-même. Il dit, je suis le plus insignifiant de ma maison. L'identité biaisée, ce n'est pas seulement une mauvaise estime de toi. L'identité biaisée, c'est le décalage qui existe entre ce que tu sais de toi et entre ce que Dieu dit de toi. Quand il y a un décalage entre les informations que tu as de toi et les informations que tu as de toi, il y aura une identité biaisée. Il y aura une identité de voilà pourquoi il arrive parfois que Dieu se révèle. Il arrive parfois que Dieu révèle sa pensée. Parce que si Dieu ne se révèle pas, plusieurs ne connaîtront pas leur identité. Tout le bénéfice du don de la prophétie qui vient parfois révéler les choses cachées, les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. Il dit, je suis le plus insignifiant. Alors que dans la pensée de Dieu, il n'était pas le plus insignifiant. Très souvent, l'identité qu'on donne de nous, c'est par rapport à notre histoire. Très souvent, l'identité qu'on a de nous, c'est aussi par rapport à notre passé. Parce que dans les pensées de l'homme, il y a ses origines, il y a les personnes rencontrées, il y a les événements marquant de sa vie. Parfois c'est sur base de ce passé que l'on décrit ce qu'on est. Voilà Voilà pourquoi quand Jérémie parle à Dieu, Dieu dit je t'appelle prophète des nations. Il dit à Dieu je suis encore un enfant. Parce qu'il avait la révélation de son âge. Mais ce que Jérémie ne savait pas, au-delà de ton passé, il y a un autre passé. Il existe deux types de passé. Il y a un passé temporel et il y a un passé éternel. Le passé temporel, c'est le passé que tu maîtrises. Mais le passé éternel, c'est le passé que Dieu maîtrise. Ta véritable identité, ce n'est pas dans les pensées temporelles. Ta véritable identité, c'est dans le passé éternel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a une différence entre voir quelqu'un et connaître quelqu'un. Quand Dieu dit je te connaissais, ça ne veut pas dire je te voyais. Je ne peux voir quelqu'un sans le connaître. Mais lorsque j'ai dit je connais personne, c'est-à-dire je connais son nom, c'est-à-dire je connais son adresse, c'est-à-dire je connais sa maison, c'est-à-dire je connais son histoire. Dieu était en train de dire à Jérémie, avant que tu viennes, je connaissais ton adresse, je connaissais ton histoire, je connaissais ta destinée. Voilà pourquoi quand l'ange l'appelle, il ne l'appelle pas Gédéon, il l'appelle vaillant héros. On ne peut appeler quelqu'un vaillant s'il a déjà combattu. Où Gédéon avait combattu pour qu'on l'appelle vaillant? En effet, Gédéon avait combattu. Avant que Gédéon vienne, il y avait déjà un combat dans l'éternité passée où les trophées des vaillants lui avaient été décernés. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Il y avait déjà un trophée. Il y avait déjà un mariage. Il y avait déjà une stabilité. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas vaillant pour l'être. Tu es vaillant parce que tu as combattu déjà. Je dis tu es vaillant parce que tu as combattu déjà. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous ne sommes pas victorieux en combattant, mais nous sommes victorieux avant même de combattre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas vaillant parce que tu as combattu, tu es vaillant parce que c'est ton identité. Tu n'es pas glorieux parce que tu as combattu, tu es dans la gloire parce que c'est ton identité. Tu n'es pas un chef parce que tu l'as mérité. Ton identité, c'est ce qu'il y a. Vaillant héros, ce n'est pas seulement un mérite, c'est ce que Dieu dit de toi. Je suis en train de déclarer ce soir, là où ton identité était brisée, que Dieu t'amène à la révélation de comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un grand homme. Je dis, tu es un grand homme. Tu n'es pas le plus petit de la maison de ton père. Tu es le plus grand de la maison de ton père. Tu n'es pas le dernier de la maison de ton père. Tu es le premier de la maison de ton père. N'est-il pas écrit que les derniers deviendront les païens? Je vois un dernier devenir un premier ce soir. Je vois un dernier devenir un premier ce soir. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Déclare après mon nom, Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je ne suis pas le dernier de ma maison. Je ne suis pas le dernier de ma maison. Je ne suis pas le plus petit de ma maison. Je ne suis pas le plus petit de ma maison. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Je suis un grand homme. Je suis un grand homme. Je suis un homme d'exploit. Je suis un homme d'exploit. Je suis un homme de guerre. Je suis un homme de guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute identité mauvaise. Que toute identité mauvaise. Se débarrasse de ma vie. Se débarrasse de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme élevé. Je suis un homme élevé. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Ni permis n'en souris. Acclame le Seigneur. Shangilia buono. Alléluia. Amina. Et la troisième couche. Na couche d'autre. Qui cachait la force de Gédéon. C'était la couche de l'héritage familial. Lui-même, il est en train de décrire sa famille. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mon clan est le plus faible de Manassé. Dans la pensée biblique, la maison du père n'est pas seulement une adresse. La maison du Père, c'est un symbole spirituel. C'est un symbole économique. C'est un symbole culturel. C'est un symbole matériel. Un héritage familial fragile. C'est une pauvreté matérielle. C'est une pauvreté de modèle. C'est une pauvreté de couverture. C'est une pauvreté d'hôtel. Voilà pourquoi Gédéon dit, je suis le plus pauvre. Parce que la maison de son père était une maison pauvre. Mais au-delà de cette pauvreté, la maison de son père était une maison remplie d'hôtels maléfiques. Était une maison remplie de sorcellerie. Plusieurs personnes n'arrivent pas déployer leurs forces parce qu'ils sont issus d'un héritage familial biaisé. Les péchés des pères, les péchés des pères s'attachent aux enfants. Les hôtels des pères s'attachent aux enfants. Une fois avancés, à peine ils sont en train de reculer. La lignée de Gédéon, c'était une lignée détruite. Aussi longtemps que cette couche existait, les choses n'allaient pas arriver. Parfois, ce qui te bloque, ce sont tes origines, ce sont ta provenance. Jérémie 35 parle d'un peuple qu'on appelle les Récabites. C'était un peuple de Récab. La Bible déclare, alors qu'ils étaient sur le point de construire, ils sont en train de dire, nos ancêtres nous ont interdit de construire, nous ont interdit de se réjouir. Les blocages et récabs, c'était leur origine. Parfois tes blocages, c'est que tu es issu d'une lignée bizarre, d'une lignée sans modèle, d'une lignée sans repère. Tu n'as jamais vu quelqu'un progresser, tu n'as jamais vu quelqu'un avancer. Ça devient un voile pour toi. Ça devient un blocage pour toi. Tu n'as jamais vu un mariage béni. Tu n'as jamais vu un homme prospère. Ça devient une limitation pour toi. Voilà pourquoi lorsque Philippe vient voir Nathanaël, en disant à Nathanaël, allez voir Jésus, Nathanaël dit à Philippe, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Nazareth n'y croyait plus. Que quelque chose de bon peut sortir à cause de l'histoire de Nazareth. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir ici. Tu ne crois plus que quelque chose de bon peut sortir de ta famille. Tu ne crois plus qu'un bon mariage peut sortir de sa famille. Parce que lorsque tu regardes derrière toi, il y a un chaos total. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne traite pas des problèmes à la suite. Dieu traite des problèmes à la source. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne traite pas les problèmes superficiels. Quand Dieu décide de traiter ton problème, il va aller à la source. L'autel, c'est une entité de réclamation. Un autel, c'est une entité qui peut t'appeler pour te ramener à la case de départ. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, je t'appelle pour être général de mon armée. Mais avant d'aller combattre, je t'appelle pour être prophète des nations. Mais avant d'aller prêcher, je t'appelle pour être un grand entrepreneur. Mais avant d'aller dominer, je t'appelle pour être modèle dans cette génération. Mais avant de pouvoir impacter, retourne à la maison de ton père, renverse les autels, retourne à la maison de ton père, renverse les autels, renverse les autels. Je vois en cette semaine quelqu'un retourner dans la maison de son père et renverser un autel, renverser l'autel de la maladie, renverser l'autel de la sorcellerie, renverser l'autel de la mort précoce. Cette personne, c'est toi. J'ai dit, cette personne, c'est toi. Alléluia. Amina. Renverse l'autel à la maison de ton père. Érige un autre autel. Je suis en train de dire à quelqu'un, une nouvelle lignée commencera par toi. J'ai dit, une nouvelle lignée commencera par toi. Dieu ne nie pas l'existence de ton arrière-plan. Dieu ne nie pas l'existence des hôtels. Dieu ne nie pas l'existence des combats. Mais tout ce que Dieu refuse, c'est que l'autel de ton père quitte ton avenir. Tout ce que Dieu refuse, c'est que l'autel de ton père dicte ta destinée. Il y a plusieurs personnes qui ont connu le divorce parce que l'autel a dicté leur avenir. Il y a plusieurs personnes qui ont connu la sécheresse parce que l'autel a leur avenir. Mais je prie ce soir que l'autel ne dictera pas ton avenir. J'ai dit, l'autel ne dictera pas ton avenir. J'ai dit, l'autel ne dictera pas ton avenir. Renverser l'autel de la maison de son père, c'était faire une coupure avec l'héritage. L'héritage corrompu, c'était faire une coupure avec les choses qui demeure déjà. C'était faire une coupure avec les choses qui sont similaires à plusieurs dans la famille. Je viens comme prophète de Dieu annoncer à quelqu'un ce soir, toi tu vas faire une coupure. J'ai dit, toi tu vas faire une coupure. Une coupure entre les mauvaises choses et tu vas commencer une nouvelle génération. J'ai dit, tu commenceras une nouvelle génération. Tu commenceras une nouvelle génération. La génération qui se marie tôt. Ceux qui battent à balle en retard. Toi, tu commences une nouvelle génération. La génération de celles qui se marient tôt. Si les gens deviennent propriétaires en retard, toi, tu commences une nouvelle génération. La génération des propriétaires jeunes. Je dis, avec toi, une nouvelle génération commence. Avec toi, une nouvelle génération commence. Ceux qui battent ma son mara va mettre toute occasion. Ceux qui battent ma son mara va voir tirer où t'as gassumbalé ça. Yozo qui n'est pas concessionnaire. Yozo quand t'es pas pécho. Yozo soit 0-0 kilomètre. Je ne sais pas à qui je prophétise. Mais nazo mon ama kambo si kezo banana yo. Malobi ma kambo si kezo banana yo. Quand Jérémie dit à Dieu, je suis encore un enfant, c'est parce que Jérémie n'avait jamais vu de ses yeux un prophète qui était un enfant. Dieu voulait dire à Gédéon, à Jérémie, si tu n'as jamais vu un prophète enfant, je commence avec toi aujourd'hui. Je viens prophétiser pour quelqu'un. Ce que mon anan nous millionnaire dans la famille. Aïe. Est-ce qu'il y a un millionnaire Bazawa? Est-ce qu'il y a un millionnaire Bazawa? Est-ce qu'il y a un millionnaire Bazawa? Ce que mon anan nous millionnaire dit. Zambazo banana yo. Tu me donnes un amen, ça s'attache à toi. Tu me donnes un amen, ça s'attache à toi. Ton amen n'arrive pas à l'hôtel. Oye banana nous la famille. Et je banana yo. Parce qu'avec toi, une coupure s'établit. Alléluia. Amina. Dis avec moi, de nouvelles choses commencent. Les nouvelles choses commencent. Alléluia. Amina. Ça commence en cette année. Ça commence en cette année. J'ai dit ça commence en cette année. Inansa mui mwaka. Oh ma passa bazala raté na famille. Baleba tomo kwa kena bitu. Zambazo bandana va tripler. Mungu konansa na weko mara tatu. Oh na famille biso ma passa bazala raté. Baleba ma passa wa kwa. Zambazo bandana va tripler. Mungu kona kupa watoto watatu. Oh na famille na biso mutazana gouvernementé. Uchama yetu kuna mtoko mkuu. Kombo wana na zoyoka. Vile niko na skena chini. Ya ngonde goleka na RTNC. Wewe ndio utakupitisha kwa RTNC. Kombo wana na zoyoka. Il y a mon ego le cana RTNC. Nazolo ve la ordonnance présidentielle. Nazolo ve la ordonnance présidentielle. La loi va autant à combo dans la RTNC. Son qui est en amananouté. Combo famille na yo. Les okota na TV. La loi combo famille na yo. Les okota na TV. Oh, bison na famille. Moutaza la en États-Unis. Moutaza la en Canada. Moutaza la en France. Yo, au fond de la France. On ressemble à Bandakou en France. On ressemble à Bandakou en États-Unis. Aïe. Na lobby France, na sema France. Et comme à deuxième d'akuna yo. Itako nyumba pili yako. Oko négligé poto. Utawe kuta sikuli. Oko sokwa matara na avion. Si se tupanda ke mundeka. Oko sambu sa avion. Uta sema sa avion e olemba yo. Avion itakuchoka. Je le prophétise pour quelqu'un. Na zoma na bakache bele na passeport moko boye. Na zoma na bazo beta ba passeport ba kache. Na kati ya passeport. Yani ya passeport. Oko kende rozonga. Utaenga na utarudi. Pe avantage l'avantage est la bonne. Je prophétise pour quelqu'un à cause de la nouvelle lignée. Dieu te prendra en charge. J'ai dit à cause de la nouvelle lignée. Zamba rejoint en charge. Donne-moi un amen de gloire. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Répète après mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens paralyser. Je viens paralyser. Les héritages maléfiques de ma lignée. Les héritages maléfiques de ma vie. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que les autels de Baal de ma maison. Que les autels de Baal de ma maison. Soient renversés. Soient renversés. À ce moulin moi 30. À ce moulin moi 30. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Renverse les autels. Renverse les. Renverse les autels. Renverse les autels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Une histoire nouvelle commence avec toi. Adissimou bienanza nawe. Parcours na yo. Chia yako. Et Rosala. Différent. Il t'a quoi un chia mansou. Qui est en train de te parler. Avant moi, je n'ai jamais connu de pasteur dans ma famille. Je suis celui qui vient ouvrir la brèche. Je suis celui qui vient briser la brèche. Je suis celui qui vient commencer une nouvelle génération. La génération des missionnaires. La génération des passionnés. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si avant toi il y a eu quelqu'un sais pas ce que ça commencera avec toi. Je ne sais pas ce que ça commencera avec toi. Je parle de Dieu. Il y a une trajectoire que tu as tracée dans ta vie. Il y a une trajectoire que tu as tracée dans ta vie. Ça amènera les troubles. Ça amènera la confusion. Ça amènera beaucoup de questionnements. De se dire, Naban et Papa en Agnon. Pourquoi hier ça bizarre? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es bizarre parce que yo où t'as naissé une moussous, yo osa made une famille en athée, yo osa Lola, où t'as naissé une Lola, naissé une Balongi, la mofine avec osa la différence. Alléluia. Amen. Tu fais bien d'acclamer. Kanana asobaya. Loide marabasa telebaya. Oh mon Dieu, mon roi. Des nouvelles choses commencent. La quatrième et la dernière couche qui voilait la force de Gédéon. C'était la mauvaise perception de Dieu. Lorsque Gédéon percevait Dieu, il avait une mauvaise perception de Dieu. Dans le verset 13, Gédéon commence à dire quelque chose de grave. Il dit, si l'Éternel est avec nous. Une autre version dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Il aggrave la situation. Il dit maintenant, l'Éternel nous abandonne. Théologiquement, c'est très fort. Gédéon a une théologie de la nostalgie. C'est-à-dire, Dieu agissait avant. Maintenant, Dieu n'agit plus. Gédéon a une théologie de l'abandon. C'est-à-dire, l'Éternel nous a abandonnés. Mais Gédéon a aussi une théologie des circonstances. Il interprète Dieu par rapport à ce qu'il voit. Il dit, si Dieu est là, pourquoi tout ceci arrive? Une mauvaise perception de Dieu produit des forces silencieuses. Une mauvaise perception de Dieu enfuit la force qui est en toi. Ce n'est pas que la force n'existe pas. Ce n'est pas que Dieu est absent. Ce que toi tu perçois mal Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, des gens sont tombés dans cette perception. David dans le psaume 44, il dit à Dieu, pourquoi tu me caches ta face? Habakkuk dans le premier chapitre, il dit à Dieu, jusqu'à quand crierai-je sans que tu écoutes? Les disciples de Marc 4, ils disent à Jésus, Maître, tu n'es pas en train de te soucier. Alors que nous sommes en train de se noyer, je suis en train de dire à quelqu'un, souvent dans ces épisodes, Dieu n'est ni absent, il n'est ni indifférent, il est en train de former, il est en train de tester, et il est en train de préparer. Lorsque dans ta théologie, tu dis Dieu m'a abandonné, dans la théologie de Dieu, il est en train de dire, je ne t'ai pas abandonné, il y a une force en toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? La parole de Gédéon C'est aussi la même parole que Jésus dit à Golgotha. La Bible déclare, alors qu'il était cloué à la croix, dans Matthieu 27, Jésus pousse un grand cri. Il pousse un grand cri en grec. Eli, Eli, Elia, Elia, Lema Sabatani. Ça veut dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lorsque vous allez à la version araméenne, ça ne dit pas la même chose. En araméen, ça dit Elo, Elo, Lemana Sabatani. Qui veut dire, mon père, c'est pour ces instants que tu t'es caché à moi. C'est pour ces instants que tu n'étais pas révélé à moi. C'est pour la croix que tu t'es caché. Je réponds à Jésus. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je viens de ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu s'est simplement caché. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu s'est simplement caché. Il se cache pour te former. Il se cache pour te positionner. Il se cache pour sortir quelque chose à toi. Il fallait que le Père se cache pour que le Fils se révèle. Il fallait que le Père se cache pour que la gloire du Fils éclate. Il fallait que le Père se cache pour que le Fils soit mort. Mais lorsqu'il mourra, la terre se dit, je suis dans la joie parce que je l'ai enterré. Mais la terre a oublié qu'il y a une promesse. Même si le Père est caché, il y a une parole qui est dans l'atmosphère, qui dit le troisième jour, le troisième jour, il ne restera pas à terre. Voilà pourquoi quand la terre l'a pris, le premier jour, la terre pensait que je l'ai vaincu. Le deuxième jour, la terre pensait que je l'ai vaincu. Mais le troisième jour, la terre a commencé à avoir des constipations. Le troisième jour, la terre a été constipée afin de se dire, je ne peux pas les garder, je dois les vomir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, il ne s'abandonne pas, mais il se cache afin de révéler sa gloire. Il se cache afin de révéler sa gloire. Il se cache afin de révéler sa gloire. Il se cache. Je vois Dieu se cacher dans la vie de quelqu'un. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Lorsque tu es en train de souffrir, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. En théologie, il existe un principe, le principe de la première mention. Le principe de la première mention stipule à ce que le premier mot mentionné rendra son sens dans le contexte dont il a été mentionné. Et au travers de la Bible, la première fois qu'on parle de la souffrance, c'est lorsque la Bible dit, tu enfanteras avec souffrance. C'est-à-dire, quand tu passes par la souffrance, l'enfantement n'est pas loin. Quand tu passes par la souffrance, l'enfantement n'est pas loin. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de crier, qui est en train de souffrir. Mais c'est des souffrances et l'enfantement. Ozo ganga pambate, mwana azoya. Ozo souffrir pambate, ta prophétie arrive. Ozo traverser pambate, ta prophétie arrive. que tu appelles abandon, c'est une incubation de Dieu. Ce que tu appelles absence, c'est une activation de Dieu. Ce que tu appelles absence, c'est un repositionnement de Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, la force qui était enfouie, elle sera en train de se révéler. J'ai dit, elle sera en train de se révéler. Elle sera en train de se révéler. Parce que la peur sera ôtée. J'ai dit, la peur sera ôtée. Ton identité sera révélée. L'autel tombera. Et la perception de Dieu prendra une autre vitesse. Lorsque ces choses tombent, Madian tombe. Lorsque ces choses tombent, Madian tombe. Nazo ebisamu tumoko. Zamba za stratège. Dieu est un sage architecte. Ce n'est pas dans sa force qui se glorifie. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. La beauté de la gloire de Dieu se trouve dans sa faiblesse. J'annonce à quelqu'un que tu es dans la salle d'accouchement afin que la force enfouie soit révélée. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, si c'est de toi que Dieu a parlé, tiens-toi debout. Alamasata la baya. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Ah, donne à celui qui gagne Madian de l'acclamation. Donne à celui qui gagne Madian des acclamations. Donne à celui qui bat Madian des acclamations. Des acclamations sont des cris de guerre. Des acclamations sont des cris de victoire. Des acclamations sont des cris de victoire. Oh, est-ce que tu peux exagérer? Alors que tu acclames, je vois la peur tomber. Alors que tu acclames, alors que tu acclames, tu sors du pressoir des vins. Tu sors de ta cachette. Alors que tu acclames, alors que tu acclames, Dieu révèle ton identité. Alors que tu acclames, alors que tu acclames, ainsi que tu as tellement. Alors que tu acclames, la sorcellerie de la famille place. Alors que tu acclames, les hôtels de famille laissent place à la gloire de Dieu. Alors que tu acclames, la coutume laisse place à la gloire de Dieu. Alors que tu acclames, la maladie laisse place à la guérison divine. Alors que tu acclames, le trône de la sorcellerie laisse place. Alors que tu acclames, le Dieu caché se révèle à toi. Oui, acclame, acclame. Il y a quelque chose de spirituel. Ah, maman. Oui, tu fais bien d'acclamer. C'est le cri de la délivrance. C'est le cri de la délivrance. C'est le cri de la délivrance. C'est le cri de la délivrance. Jésus sera élevé. Jésus. Acclame bien. C'est prophétique ces acclamations. C'est des acclamations. non prophétiques. Associe maintenant des acclamations à des déclarations. Associe maintenant ces acclamations à des déclarations. À des déclarations de victoire. Commence à déclarer. Arabosate. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Parle à Dieu. Ce saint homme ce soir, les chaînes et la paix de l'identité. Ce saint homme ce soir, les chaînes et l'héritage familial. Ce saint homme ce soir, la gloire de Dieu est ici. Et des chaînes sont en train de tomber. Des chaînes sont en train de tomber. Lève tes mains, commence à faire tomber les chaînes. Les rabassettes et les vaillards. Que les chaînes tombent. Que Dieu te change en un autre homme ce soir. Que la puissance de Dieu affecte ta vie. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Là où il y avait des chaînes, ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Et les chaînes sont en train de tomber. Il y a un nouveau revêtement qui est en train de venir. J'entends dans mon oreille gauche les revêtements des vaillants. C'est une onction qui s'attache à ta vie, qui s'attache à ta destinée. Partout où tu es, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Tu marches à la différence. Tu marches à la différence. Tu marches à la différence. Tu marches à la différence. Tu marches à la différence. L'onction de Dieu tombe sur toi. Ça amène la démarcation. Alléluia. Ça amène la démarcation. Ceux qui ne te connaissaient pas te connaîtront comme faillante. Parce qu'il y a une huile qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Fille la différence. Fille la démarcation. Reçois. Reçois cela. Ça te démarque. Ça te distingue. Alléluia. Alléluia. Garde tes mains levées. La force enfouie en toi est en train de se libérer. Là où il y avait des entités captives, ces entités tombent ce soir. Ces entités tombent ce soir. Par l'autorité de Dieu. Par l'autorité de Jésus. Là où il y avait l'esprit des morts. L'esprit des morts tombe. Là où il y avait l'esprit des pères. L'esprit des pères tombe. Là où il y avait l'esprit de pauvreté. La pauvreté tombe. Au nom de Jésus, mais la tabaya malabaya, mana la basette le baya la baya, alléluia, leya kalabasite le baya, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, viens libérer des vies. Alléluia. Viens libérer des destinées. Alléluia. Intensifie ta gloire. Intensifie ta gloire pour que les forces enfouies se libèrent des filles. Pour que les forces enfouies se libèrent des destinées. Pour que les forces enfouies se libèrent. Qu'un vaillant héros ressorte de cette nuit. Qu'un vaillant héros ressorte de cette soirée. Alléluia. Yalabasan alabaya. Kayan alabasan de la baya. Mele la basia talabala la baya. Mali alabasate. Prie pendant quelques minutes, cherche Dieu. Commence à prier, commence à prier. La main de Dieu passe maintenant. Afin de toucher les vaillants. L'onction de Dieu passe maintenant. Afin de toucher les vaillants. En train de toucher les vaillants. Il y a un vaillant que Dieu touche ce soir. Il y a une vaillante que Dieu touche ce soir. Il y a un vaillant ici. Seigneur, je te prie ce soir que tes anges se libèrent, qu'ils entrent dans les rangées. Alléluia. Et qu'ils me cherchent ces vaillants. Alléluia. Où sont ces vaillants? Où sont ces vaillants? Où sont ces vaillants? J'ai vu la première. J'ai vu la première. Où est la deuxième? Où est la deuxième? Seigneur, cherche-moi ce deuxième. Et tout cela, la chorale, levez vos mains, levez vos mains. Les rabassats à la baya. Alléluia. La main de Dieu est en train de passer, la main de Dieu est en train de passer. Kala la bassate. Kala la bassate. Lala la bassate. Maïde clé à la bassate à la baya. Il y a une onction des vaillants, il y a une onction des vaillants. Il y a une onction des vaillants. Il y a une onction des vaillants. Qui est en train de passer maintenant. Je veux compter à 7. Et cette onction va saisir plusieurs. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Et je compte 7 recevez. Amenez-moi ces gens. Amenez-moi ces gens. Recevez, recevez. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. L'onction des vaillants. Reçois, reçois, reçois. Protocole, amenez-moi ces gens. Ils sont au nombre de 7. Amenez-moi ces gens. Ils sont touchés ce soir par la puissance de Dieu. Amenez-moi, amenez-moi ces gens. Partout où tu es, ça va s'intensifier. Amenez-moi ces gens. La chair là-bas en blé, amenez-la moi. Ça va s'intensifier. Amenez-la moi. Ferme tes yeux, attends-toi Dieu. Ferme tes yeux et prie. Ça vient vers toi, ça vient vers toi. Alléluia. L'onction des vaillants, l'onction des vaillants. Ça vient vers toi, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Une puissance nouvelle. Une puissance nouvelle. Une puissance nouvelle. Qui brise des jougs. Une puissance nouvelle. Une puissance nouvelle. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ferme tes yeux. Que la puissance de Dieu te touche. Reçois la grâce. Que ta vie change. Que Dieu te change en un autre homme. Entre dans la vitesse. Amen, amen, et là-bas. Alors, Sandé. Oh mon Dieu, élève tes mains vers le ciel. La gloire de Dieu est dans la salle. Il y a des hommes et des femmes qui sont appelés en ces temps de la fin à opérer dans l'onction prophétique, à être des gérants de leur famille. Le Seigneur me dit, je suis en train de toucher ces gens. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi sous tiens-toi debout là où tu es. Il y a des femmes appelé à opérer dans l'onction prophétique, appelé à être léger dans les familles. Élève tes mains, ferme les yeux. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de passer et de toucher. Je vois les yeux s'ouvrir. Je vois les oreilles s'ouvrir. La puissance de Dieu, elle passe maintenant. Protocole, soyez vigilant. Je serai en train de prier en esprit. Et la main de Dieu va toucher ces gens. Seigneur, où sont-ils? De partout où tu es, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te démarque. Qu'une onction nouvelle te démarque. Qu'une onction nouvelle te démarque. Ta vie change à partir de ce soir. Ta vie change à partir de ce soir. Il y a une huile fraîche. Il y a une huile fraîche. Qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Qui tombe sur toi. Kabasata la vaya. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Intensifie, intensifie. Ça descend sur toi. Alalabasane. Abasata la vaya. Garde tes mains levées. Je suis en train de prier ce soir. Tous ceux qui sont bloqués par un esprit de pauvreté et de sécheresse, Gédéon a dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? La présence de Dieu doit être une vitrine de la bénédiction. Je suis en train de prier. Tu as du mal à percer. Tu as du mal à trouver du travail. Tu as du mal à multiplier l'argent. Les dieux de ces lieux, les dieux de Papa Désiré, les dieux de cette alliance, viens maintenant là où tu es et il brise les chaînes. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois, reçois, reçois. Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Aïa, aïa, sois libre, sois libre, sois libre, ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Si tu es concerné à ce que j'ai dit, avance rapidement devant. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit. Dieu te libère ce soir. Ce soir ne me suffit. Dieu te libère ce soir. Dieu te libère ce soir. Intensifie, intensifie. Salut, ce feu. Salut, Intensifie, intensifie, intensifie. m'envoie dire à quelqu'un ce soir, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Cette semaine, Dieu nous amène dans les hauteurs. J'ai dit cette semaine, Dieu nous amène dans les hauteurs. Demain, c'est un jour de grande bénédiction. Ne t'hasarde pas à venir seul, parce que Dieu va faire des grandes choses. Ça sera un culte prophétique et un culte des grandes délivrances. En cette semaine, le ciel est ouvert pour que ton vaillant héros soit révélé. J'ai dit, en cette semaine, Dieu va te révéler au monde. Les chaînes vont tomber et la puissance de Dieu éclatera au milieu de son peuple. Il va intensifier, intensifier. Que Dieu vous bénisse. Ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, intensifier. Merci Seigneur. Accente moi. Tu as accompli des grandes choses au milieu de ton peuple. Parce que tu as destiné de visiter ton peuple. Tu as décidé de faire du bien à ton peuple. Ce mois de décembre, cette semaine, que la gloire te revienne. Toi, tu vas accomplir de grandes choses. Ta présence est une vitrine des choses que tu vas accomplir. Nous te bénissons ce soir. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous donnons les offrandes. Et puis j'ai deux communiqués à vous donner après. Et on va se revoir demain. La chorale nous accompagne pendant que nous donnons les offrandes. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Merci Seigneur, nous bénissons ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Alors, demain, de 12h30 à 13h30, nous avons prière ici. Nous vous sommes en train de monter dans la lue. Alors, de 12h30 à 13h30, nous nous retrouvons ici pour la prière. Et tous les sujets qu'on nous donne le soir, nous continuons à prier pour ça demain. Et nous nous retrouvons à 16h30 maintenant pour le culte. Ceux qui ont le temps, venez à 12h30, nous allons prier ensemble. Et à 16h30, nous nous retrouvons pour le culte. Dieu aidant, avec l'autorisation de l'apôtre, demain, le pasteur Christopher peut intervenir pour nous bénir aussi. Et après, nous allons laisser beaucoup d'espace à l'apôtre. Nous voulons que ce soit un jour tel que le Seigneur vient de nous le dire. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes là dans le même programme. Et samedi à 8h30, nous avons la classe, master class, avec l'apôtre Hippolyte. De 8h30 à 10h30, 11h si on déborde. Et après, nous allons continuer les autres programmes. Les couples, nous allons retrouver le soir, le samedi, avec l'apôtre. Il travaille beaucoup sur le couple. Et ça sera à notre salle ici pour partager quelques instants avec lui. Voilà le programme. Donc nous prions pour toutes ces choses. Quand nous donnons le programme, c'est pour prier déjà, pour se préparer par rapport. Chaque intervenant connaît ce qu'il doit faire pour que tout se passe correctement. Alléluia. Nous nous tenons debout. Je dois dire merci au Seigneur. Demain ne vient pas seul. Dis à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui que de venir. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer. Mais perdre 2 heures, ce n'est rien que de perdre toute la vie. Perdre 1 heure, ce n'est rien que de rester dans la pauvreté toute la vie. Donc si on a 1 heure de prière, si on a 2 heures, 3 heures de culte, mieux vaut que je puisse les capitaliser. Pas je sais que c'est rien par rapport à ce que je dois gagner. Toujours avoir ce principe dans la vie, que les grandes choses demande toujours un sacrifice. Il n'y a rien dans la vie qu'on peut obtenir sans sacrifier quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose dans la vie pour obtenir quelque chose d'autre dans la vie. C'est un principe qu'il faut toujours connaître. Même chez toi à la maison, même dans ton travail, même dans ta vie, un sacrifice doit être là pour obtenir quelque chose de grand. Alors, si tu dois sacrifier quelque chose pendant 30 jours de prière, c'est peu de choses par rapport à ce que tu dois obtenir. La souffrance du temps présent n'est pas comparable à la gloire qui doit venir. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Je le bénis. Je bénis la nuit d'aujourd'hui. Je bénis la journée de demain. Merci pour ta gloire qui est en train de descendre. Merci pour les vies qui sont transformées. Merci pour le ciel qui s'ouvre. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple. Renouvelle ton serviteur qui nous a parlé. Que ta grâce soit sur nous. Nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.